Au sommaire de Salut du Belge numéro 21, deux moyens métrages d'animation. Léopold Roy des Belges de Cédric Vendresse et Mathieu Collard, présentés au dernier Festival international du film francophone de Namur, ainsi que ce magnifique gâteau de Emma de Soif et Merck James Rules, sélectionné à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Les deux films ont en commun la royauté belge. Léopold Ier pour Léopold Roy des Belges et Léopold II le fils pour ce magnifique gâteau. Et aussi Total Hasard, l'un est réalisé par des francophones, l'autre par des flamands. Écoutons d'abord un extrait de la bande-annonce de Léopold Roy des Belges. Léopold ! Réveillez-vous et trouvez-vous un job ! Il suffit de leur donner un roi. Vous ne comprenez pas. Ils m'ont filé un pays entier avec les gens, les maisons et les poules. C'est un petit bijou que j'ai découvert au FIF. On apprend l'histoire du premier roi des Belges et par conséquent celle de la Belgique de manière ludique et passionnante. Il y a une belle animation, des personnages bien travaillés, des trouvailles, des surprises, des dialogues savoureux. Grâce à ce film, une période peu connue de l'histoire de Belgique est mise en avant. Celle où la Belgique naissait à peine. Celle où les Hollandais n'acceptaient pas cette indépendance. Celle où les grandes puissances, Angleterre, France, Russie et Prusse, jouaient à des jeux d'influence minables, sans tenir compte des aspirations des populations. Passons maintenant à ce magnifique gâteau dont on va écouter la bande-annonce. C'est un pamphlet sur la colonisation de l'Afrique avec ses conséquences en termes de déracinement culturel ou de pillage des ressources. Situé à la fin du 19e siècle, l'histoire est divisée en 5 chapitres suivis d'un épilogue. Le film porte un regard ironique et triste sur la folie des puissants, des explorateurs, ainsi que sur la désorientation vécue par les Congolais. En stop motion, avec des figurines au visage de feutre, avec des décors alliant coton et tissu, l'animation est de qualité et se marie bien avec la poésie lugubre imprégnant le film. Ces deux films sont à découvrir au détour d'un festival ou d'une diffusion télé. À la prochaine !